France Inter. France Inter.fr. Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. Première guerre mondiale, l'entrée des États-Unis. Après avoir tout fait pour affirmer son attachement à la paix, la grande nation américaine déclare solennellement qu'elle ne peut rester neutre dans cet immense conflit entre le droit et la violence, entre la civilisation et la barbarie. Elle déclare en même temps qu'elle ne combattra pas pour des intérêts, qu'elle ne veut ni conquête ni compensation, qu'elle entend seulement aider à la victoire de la cause du droit et de la liberté. Le président du Conseil français de l'époque, Alexandre Ribot, au moment de l'entrée en guerre des États-Unis. Au départ, le président Wilson avait une autre position en 1914. Il faut rester neutre en pensée et en acte. En 1916, il se fait réélire sur l'idée qu'il demeure possible de se tenir en dehors du conflit. En 1917, il affirme qu'il est effrayant de plonger dans une guerre terrible, mais que le droit est plus précieux que la paix. Chaque question neuve posée par les événements et les surprises de la guerre contraint le président, les dirigeants économiques, l'opinion des États-Unis à un double calcul. Où y a-t-il le plus de danger de perdre son âme? Où y a-t-il le plus de chances de trouver son intérêt? Au bout du compte, les États-Unis termineront la période dans une position internationale très valorisée. Ils étaient endettés, ils sont devenus créditeurs. Ils étaient attendus sur la scène, ils commencent à en écrire la pièce. Il est vrai qu'ils mettent dans tous les rôles qu'ils jouent soudain une efficacité, une prodigalité même, qui force le respect pour provoquer une victoire qui, sans eux, paraissait inaccessible. Ils ont été capables d'envoyer quelques 2 millions d'hommes en Europe, avec autant à l'arrière, pour préparer cette projection. Paul Jankowski, bonjour. Bonjour. Alors, d'habitude, vous enseignez à Boston, à Brandeis, l'histoire de France aux Américains. Et là, vous allez nous parler de l'histoire des États-Unis à nous autres Français. Votre dernier livre, qui est paru d'ailleurs chez Gallimard avant de paraître aux États-Unis, c'est exact, ou en Grande-Bretagne, est consacré à Verdun. Et vous décrivez Verdun comme étant un duel qui se produisait devant l'univers. Mais notre projet cette semaine, dans la mondialisation de la guerre telle qu'on l'étudie, c'est de montrer que l'univers entier a été concerné. Oui, effectivement, puisque vous me faites l'honneur de parler de Verdun, j'ai vu récemment un rapport d'un diplomate américain qui était en poste à Berne. C'était l'attaché militaire au mois de mars 1916, donc à peu près un mois après le déclenchement de la bataille de Verdun. Et il affirme ne pas pouvoir comprendre ce qui se passe, tellement cette guerre de position aussi coûteuse qu'infructueuse lui paraissait incompréhensible. Et il y a peut-être dans ce rapport quelque chose qui en dit long sur l'attitude des Américains en général, jusque dans 1916-1917, de ne pas pouvoir comprendre cette guerre immense. On commence en 1914, vous allez nous raconter quelles sont les raisons de la neutralité choisie par le président américain. Vous vous souvenez de ce journal du Middle West qui rend compte de l'assassinat de Sarajevo et qui dit... Voilà, et qui dit, à la une, un archiduc de plus ou de moins, qu'est-ce que cela peut nous faire? Ça fait quand même quelque chose de savoir ce qui se passe en Europe, aux immigrés qui viennent d'Autriche-Hongrie, aux immigrés qui viennent de Russie, aux immigrés qui viennent d'Italie ou d'Irlande. D'Irlande, certainement. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y avait maintenant, en ce début du XXe siècle, des millions et des millions d'immigrés. Il y a quelque chose comme 4% d'Irlando-Américains, presque. Sans doute. Près de 4% de Germano-Américains. Il faut les faire tenir ensemble avec les partisans d'une alliance avec l'Entente. Mais oui, s'il est vrai, d'un côté, que de groupes très influents, surtout dans la partie nord-est du pays, New York, Boston, étaient plutôt anglophiles et anglophones, beaucoup d'autres ne l'étaient pas. Les Irlandais, dont vous venez de parler, étaient peu disposés à venir en aide à l'Angleterre. les immigrés venus de Russie, les Juifs par exemple, étaient peu disposés à venir à la rescousse d'une terre de pogrom. C'est-à-dire du tsar allié de la France et de l'Angleterre. C'est-à-dire exactement. Donc l'entrée en guerre était en soi quelque chose de très douteux. Et encore, fallait-il décider de quel côté fallait-il se battre. Une très importante partie de la population était d'origine allemande. Il fallait tenir compte de cela dans une démocratie. Neutralité n'égale pas tout à fait équidistance au bout d'un moment, parce qu'on voit les banques américaines prêter beaucoup. Les entreprises agricoles et industrielles fournirent beaucoup à l'Europe et de nations endettées. Peu à peu, les États-Unis vont devenir nations créditrices. Tout à fait, tout à fait. Au début de la guerre, en 1914, pour des raisons un petit peu compliquées, on n'a pas réussi à appliquer un blocus total sur la vente d'armes et de matériaux de guerre et d'autres produits à tous les belligérants. Néanmoins, il est devenu pratiquement impossible de vendre à l'Allemagne en raison du blocus qu'avait imposé l'Angleterre. Par contre, on pouvait vendre à l'Angleterre et à la France. Et c'est ce que faisaient les fabricants d'armes et les banquiers aussi, qui avaient consenti des prêts progressivement plus importants à l'Angleterre et à la France pour leur permettre justement d'acheter ces produits dont ils avaient besoin pour continuer la guerre. À condition que le blé, à condition que les armes, à condition que les chevaux qui passent l'Atlantique ne soient pas, comme parfois aussi certains passagers, coulés par les sous-marins allemands. Parce que dès le début de la guerre, alors que les Alliés avaient du mal à y croire, les Allemands se sont mis à développer la guerre sous-marine dont les Américains se sont sentis justement victimes. Mais oui. C'est la réponse typique d'une puissance navale de deuxième rang, c'est-à-dire une guerre de course. On employait des sous-marins et non pas des corsaires. Oui, mais attendez, les corsaires, Paul Jankowski, ils capturent les équipages, ils les laissent parfois survivre et ils ne font pas couler les bateaux. Mais c'est ce que les Allemands ont consenti de faire après justement l'affaire de la Lusitania, 1915, au printemps de 1915, paquebot anglais transportant, il est connu, des munitions, mais aussi des passagers américains. Dans 128, sont péris noyés. Mais là, peut-être, j'avance un petit peu le récit. Non, vous êtes en train de prédire l'évolution qui va être celle du président des États-Unis, qui en 1916 encore avait été réélu sur le thème « Il nous faut nous tenir en dehors de la guerre ». Et qui va peu à peu changer de cap en même temps que l'opinion. Le neutralisme demeurait la règle politique immuable de l'ensemble du peuple américain. Des meetings pour la paix étaient tenus dans les rues de New York au début de la guerre, dans lesquels le gouvernement américain était mis en garde contre toute initiative de nature à compromettre la neutralité des États-Unis. En réponse à ces propositions, des navires américains, même non armés et dans des eaux neutres, furent attaqués par des sous-marins allemands. L'opinion publique américaine fut indignée et des voix s'élevaient demandant vengeance. Mais à Washington, Wilson demeurait inébranlable, voulant rester en dehors du conflit. Néanmoins, il prit des mesures pour renforcer la défense de son pays et établir des forces armées. 1916, c'est au cri de « Il nous a tenus hors de la guerre » que le président Wilson était réélu à la première magistrature de son pays. En septembre 1916, l'espoir d'une neutralité peu à peu s'estompait. Wilson était amené à déclarer « Aucune nation ne se trouve totalement isolée, alors que tant de nations sont en péril. » Alors voilà que les Allemands reprennent la guerre sous-marine, que le président Wilson les entend aussi se rapprocher souterrainement du Mexique. Il y a toujours un conflit entre le Mexique révolutionnaire et les États-Unis. L'ambassadeur du Mexique reçoit une lettre qui est rendu public du ministre des Affaires étrangères allemand, qui dit qu'il faudrait envisager une déclaration de guerre entre le Mexique et les États-Unis. Il y a un retournement de l'opinion, là. Mais oui, au sujet de ce télégramme chiffré envoyé par le ministre des Affaires étrangères allemand, qui s'appelait Zimmermann. J'aime bien quand un Américain rappelle qu'il faut des télégrammes chiffrés. Continuez, Paul Jankowski. Justement, c'est tout à fait pertinent, puisqu'il a fallu aux Allemands envoyer ce télégramme chiffré par la voix de leur ambassade à Washington. Télégramme envoyé à l'ambassadeur allemand au Mexique, l'incitant à promettre l'appui des Allemands au cas où le Mexique entrerait en guerre contre les USA. Justement, et c'est tout à fait pertinent, vu ce qui se passe dans les journaux aujourd'hui, les Anglais avaient réussi à capter, à déchiffrer ce message en espionnant justement la ligne entre Berlin et Washington dont s'étaient servis les Allemands. Question très délicate, les Alliés ne s'espionnent pas entre eux, une fois n'est pas coutume. Et il fallait justement révéler l'existence de télégrammes aux Américains par une autre voie. Alors, on a fait croire aux Américains que c'était des espions au Mexique qui avaient obtenu et déchiffré ce télégramme. Enfin, après ce détour, je reviens sur votre question. Ma question porte sur les conditions du vote par le Congrès le 6 avril 1917. Oui. Le Congrès ne suit pas toujours le président, mais à l'époque, Wilson disposait d'une mêle majorité. Il y avait eu quand même tout un travail de propagande des lobbies anglais et français pour expliquer les raisons de la guerre et à mener. Et ce, depuis le début, depuis 1914, ou certainement depuis l'entrée en Belgique des troupes allemandes. Des histoires de crimes de guerre en Belgique où le vrai était mêlé au faux. Il faut dire, je crois, qu'il était... La plupart des grands quotidiens américains, avant 1914, ne maintenaient pas en poste dans les capitales européennes des journalistes, des correspondants. Ils rendaient compte à leurs lecteurs aux USA de ce qui se passait en Europe par la voix de leurs correspondants à Londres. Ce qui fait que tout passait par le prisme britannique, prisme dont l'épaisseur n'a fait que grandir avec le déclenchement des hostilités. Donc déjà, l'opinion gagne aux USA, petit à petit, dès 1914, que l'Allemagne est une puissance militariste, une race de pirates. Or, avec la résomption de la guerre sous-marine sans restriction, c'est un vrai coup de fouet qui est donné à l'opinion, et aussi avec ce fameux télégramme Zimmermann. C'est une présentation de la guerre du droit pour la civilisation, contre la violence. Et l'évolution de l'opinion est quand même facilitée par la chute du tsarisme, dont la présence aux côtés des alliés gênait beaucoup de citoyens des États-Unis. Après le vote par le Congrès, l'ancien président du Conseil français, en même temps que des ministres britanniques, est invité à la tribune du Congrès. C'est Viviani. Il ne va pas manquer d'ailleurs de signaler l'importance de la chute du tsarisme dans le revirement américain. Alors ça, c'est un grand morceau d'éloquence parlementaire française transférée, Paul Jankowski, chez vous. À la veille du jour où l'Amérique frémissante allait se dresser de tout son élan, au lendemain du jour où la révolution russe, fidèle au pacte d'alliance, appelait en même temps les soldats aux armes et le peuple à l'indépendance, voici tous debout pour la civilisation et pour le droit. J'entendais un de vos plus grands orateurs dire avec une émotion concentrée, j'ai juré sur le tombeau de Washington. Si Washington pouvait se lever de son tombeau, si du haut de sa montagne sacrée, il pouvait apercevoir le monde tel qu'il est, devenu plus petit par le rapprochement des distances matérielles et morales, il sentirait que son œuvre n'est pas finie. Et que de même qu'un homme puissant et supérieur se doit aux autres hommes, de même un peuple puissant et supérieur se doit aux autres peuples. J'ai juré sur le tombeau de Washington, j'ai juré sur le tombeau des soldats alliés tombés pour la cause sainte, j'ai juré sur nos blessés, j'ai juré sur la tête de nos orphelins, j'ai juré sur les berceaux et sur les tombeaux, j'ai juré. Collection Gallica en ligne sur le site de la BNF. Impressionnant hein, pour très un historien de la France comme vous. Mais très impressionnant. Est-ce que cette intervention que j'entends pour la première fois date d'avril 1900, c'est donc juste après l'entrée en guerre des USA? Et des représentants britanniques étaient aussi présents. Alors est-ce que c'est au Sénat ou à la Chambre des représentants ou est-ce qu'il y a une assemblée possible du Congrès pour écouter les possible, responsables occidentaux européens? Je ne sais. Ça, ce sont les Français et les Anglais qui viennent aux États-Unis. Joffre vient aussi, le vieux maréchal. Joffre vient aussi, voilà. Pour aider à la formation et préparer au transfert. Alors, la formation se fait dans des camps. Il y a 32 camps d'entraînement immenses aux États-Unis. Et le transfert se fait sans difficulté parce que les Américains ont maintenant l'habitude du convoi. Des convois, voilà. C'est grâce à la marine que ce transport a été fait sans perte, ce qui est une chose remarquable. Mais ceci dit, je reviens sur l'impréparation pratiquement totale des Américains à cette guerre, au moment même où ils sont entrés. Oui, enfin, ça, c'est vous qui le dites, parce que du côté des Français, un peu démoralisés par 3 ans de guerre, on va entendre le témoignage d'un jeune habitant de Saint-Nazaire, recueilli beaucoup plus tard pour une collection Frémaux consacrée à la Grande Guerre. L'image que les Américains donnent en arrivant, Bordeaux, Saint-Nazaire, des ports sûrs, c'est celle de la de la prodigalité et puis de la musicalité. J'ai vu débarquer, moi, de mes yeux vus, en 1917, les premiers Américains. J'avais 13 ans à l'époque. J'avais déjà vu débarquer à Saint-Nazaire les Anglais. J'ai vu débarquer les Canadiens. J'ai vu débarquer les Belges. Et en 1917, les Américains. Mais les Américains, c'était une chose de formidable, tellement c'était nombreux. Le premier convoi, il était au moins 12 bateaux. Et quand tout ça a débarqué dans les bassins de Saint-Nazaire, hommes et chevaux, c'était une explosion de joie. Parce que vous savez, en 1917, au bout de 4 ans de guerre, c'était épouvantable au point de vue moral. Et quand on a vu les Américains avec leur richesse, on les prenait pour des sauveurs. Parce que c'était des gens riches. Leur café soluble, leur sucre, les farines, les jambons, les conserves, ça inondait les quais. De l'alcool pour faire chauffer, comment déjà, les lampes. Tout, absolument tout, tout. Il ne manquait rien du tout. Mais est-ce que ça correspondait à l'idée que vous faisiez des Américains ? C'était un peu spécial parce que c'était les seuls qui avaient ces grands chapeaux de cow-boy. C'était un peu spécial. Et puis, c'était des gens quand même. Il y avait moitié blanc, moitié noir. Alors, les noirs étaient complètement à part, mais quand on voyait défiler, ils faisaient dans le port, ils faisaient des séances récréatives, les claquettes. Tout ça, ça attirait tous à Saint-Nazaire. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. À l'entrée en guerre des États-Unis, que nous observons en compagnie de Paul Jankowski, professeur à Brandeis Université, les Français découvrent Jim Europe, là qu'on vient d'entendre avec son groupe, le jazz, le ragtime. Alors vous dites impréparation, mais dans la mémoire française, on a le souvenir de ces démonstrations musical extraordinaire. Il y en a eu à Saint-Nazaire, il y en a eu à Brest, il y en a eu sur le front occidental, sur la terrasse des Tuileries, du café soluble, vous avez entendu Guy Leclerc, de l'alcool, des conserves, de la surabondance. Et vous, vous dites impréparation. Impréparation militaire en avril 1917. À ce moment-là, les USA n'avaient qu'une armée, y compris leur garde nationale. Leur armée comptait en tout et pour tout à peu près 200 000 hommes. Alors que les armées allemandes et françaises comptaient à peu près aux alentours de 3 millions chacune. Ce récit magnifique que nous venons d'entendre doit provenir pas plus tôt que la fin de l'année 1917, puisque ce n'est qu'en novembre à peu près que les Américains ont commencé à affluer. Par la suite, tout au long de 1918, cette affluence, cette arrivée des Américains est montée jusqu'à 300 000 par mois au mois de juillet 1918. Lors de la seconde bataille de la Marne, où ils ont vraiment entré aux côtés des Français dans la guerre. Les Français se disaient, c'est à nous de former, les Américains. Et oui, mais oui, ce qui était en partie vrai. Les Américains ne comprenaient absolument rien à cette guerre de position qui avait maintenant pris le dessus sur le front Est. De surcroît, General Pershing, qui était le commandant en chef de l'armée expéditionnaire américaine, qui n'avait connu de la guerre que la guerre aux Indiens au Far West et une expédition punitive au Mexique, faisait des idées de la guerre qui relevaient de l'élan de l'offensive, qui étaient les idées de la guerre de 1914 que se faisaient les Allemands et les Français, mais qui étaient maintenant totalement périmés. On va les prendre en main, dit ici un officier français qui s'appelle Albert Vérang. Il a d'autant moins de difficultés à prendre en main un certain nombre de soldats sur le front champenois que ce sont des Noirs qui ne trouvent pas leur place nécessairement dans les unités principales américaines. Un beau jour, on nous a dit, vous recevez en renfort, non pas en stage, des troupes américaines, des troupes noires. Ils venaient pour la première fois en ligne. Naturellement, je les ai mis un Américain, un Français, un Américain, deux Français, deux Américains, un Français. Répond, Séchaud, Ardeuil, Prière. To my old friends, thank you. Parfois, on se dit que l'amalgame entre les Noirs américains et les Français était plus facile à la limite à opérer que l'amalgame entre Américains. Lieutenant Lake ? Oui, monsieur. Je suis le capitaine McMurtry. Bienvenue au 308. Capitaine, à mon avis, il y a une erreur. Normalement, j'aurais dû être affecté dans une unité du Texas. Ces gars sont de New York. Je ne comprends pas un traître mot de ce qu'ils racontent. Ce ne sera pas à vous de les comprendre, lieutenant. Mais à eux de vous comprendre. Maintenant, vous allez faire l'appel. Ethan, Ethanasikos. Yader. Yader. Yoder. Le... Le pasta, le pasti. Les pastis. Les pastis. Krotoshinsky. Nous avons perdu plus de 60 hommes aujourd'hui, sous notre propre feu. Il nous reste un peu moins de 200 hommes. Je ne sais pas comment ils tiennent. Ne les sous-estimez pas, capitaine. Il y a deux jours, nous avions un Chinois qui s'occupait de notre réseau de transmission. Et comme estafette, un Indien américain. Ces Italiens, ces Irlandais, ces Juifs, ces Polonais, on ne se serait jamais rencontrés. Mais plus jamais... Plus jamais dans nos vies, nous n'apprécierons la compagnie de ces merveilleux soldats, de ces merveilleuses personnes, autant que cette nuit. Le téléfilm Le Bataillon Perdu. Alors, tout un débat dans l'historiographie américaine. Paul Jankowski, est-ce que la guerre de 17-18 a favorisé le rapprochement entre les différentes communautés des États-Unis ou creusé le fossé encore davantage, par exemple, entre les Noirs et les autres? Cette guerre n'a certainement pas aidé à franchir la barrière entre les Noirs et les autres. Et Wilson n'y tenait pas tellement non plus. Wilson, c'était une des grandes, je ne dirais pas un mystère, mais on peut peut-être l'accuser d'hypocrisie, mais il faut se souvenir que Wilson est né avant la guerre de sécession dans l'État de Virginie. Il venait du Sud. Il était d'un côté un président qui avait nommé le premier juif à la Cour suprême des USA, le premier juif, donc magistrat à la Cour suprême, mais il s'insurgeait toujours et constamment contre l'idée d'alléger le poids de la ségrégation qu'on imposait aux Noirs aux USA. Donc il n'était nullement question de l'alléger à l'armée non plus. Et il est certainement vrai que les divisions, les unités américaines, de la ségrégation y régnait toujours, à la différence justement de l'armée française qui était la seule où les soldats noirs américains ont pu servir côte à côte avec les soldats blancs. Alors revenons au général Pershing, général de brigade qui a participé aux expéditions du Far West, dites-vous, et à une expédition au Mexique, et qui arrivait sur le terrain après avoir longtemps inspecté les choses et s'être informé, réclame une autonomie pour les troupes américaines, alors que les Français disent elles sont inexpérimentées, on peut les mettre à l'aile, et encore c'est dangereux, au centre elles pourraient être enfoncées, utilisons-les sous notre commandement. Oui, d'ailleurs, c'est ce que disaient les Britanniques aussi. Pour eux, l'aide américaine devait être surtout logistique, c'est-à-dire un apport massif en matériel et en hommes qui allait être incorporé à leurs propres armées, servir sous leur commandement. C'est ce que refusait non seulement Pershing, mais Wilson aussi, qui dès le début ne voyait pas les choses de cette façon. Certes, vu l'ampleur des buts de guerre de Wilson, il fallait une aide massive, mais il fallait aussi que cette aide soit indépendante pour bien peser à la fin, dans la paix qui allait suivre. Alors vous allez être bien surpris que tout à l'heure, quand vous écoutiez Viviani, mais nos compatriotes français, eux, n'ont peut-être pas souvent l'occasion d'entendre la voix de Pershing. Il tient là des propos un peu lénifiants à destination de ses concitoyens outre-Atlantique. À 3000 km d'ici, une armée américaine se bat pour vous. Tout ce à quoi vous tenez est en jeu. Seules les frappes les plus dures peuvent être efficaces contre l'ennemi que nous combattons. L'armée invoque l'esprit de nos ancêtres et vous demande votre concours jusqu'au bout afin que les grandes valeurs qui font le fondement des États-Unis existent encore sur cette terre. Ah, on croirait que tout va bien. Mais quand il parle à ses interlocuteurs alliés, il réclame de plus en plus de place. Il réclame de plus en plus de place, oui. Il est vrai qu'assez vite, Pershing et les autres se sont rendus compte qu'ils avaient bien des leçons à recevoir des Français et des Anglais aussi, puisque eux avaient fait cette expérience de 3 années de guerre sur le front ouest, alors que les Américains, eux, ne l'avaient pas fait. C'est pour cela qu'ils ont oublié, pendant un certain temps, leur demande d'autonomie totale, pour intégrer des divisions américaines au corps d'armée français. Par la suite, tout de même, ils ont insisté pour que ces unités se séparent et fassent leur armée à eux. Un soldat ne combat bien que sous son drapeau. Général Pershing. C'est général Pershing, je ne le savais pas. C'est tout à fait plausible. Alors, vous publiez un livre sur Verdun et Pershing, il finit autonome à Verdun. Pershing finit à Verdun. Les Américains se trouvaient en présence, étaient présents dans le secteur de Verdun à la fin de la guerre. Et ils ont refait, en quelque sorte, un petit peu l'expérience qu'avaient faite les Français et les Allemands en 1916. Justement, ils ont connu cette même guerre de position, ces offensives ratées. Pershing avait établi son état-major à Souilly, donc la ville à quelques kilomètres au sud de Verdun, où Pétain avait établi le sien en 1916. Et le 11 novembre 1918, une division américaine qui s'appelait Yankee Division, une division Yankee, c'était la 26e division d'infanterie, se trouvait à quelques kilomètres au nord de Verdun, vers Beaumont, le petit village. Et ils s'apprêtaient encore une fois à sortir des tranchées pour se lancer à l'assaut des lignes ennemies. Et quand quelques bruits ont couru qu'un armistice était imminent et qu'une sorte de silence bizarre et presque troublant est venu s'asseoir sur le paysage. Je trouve que c'est assez symbolique, en effet. Les Américains qui commencent à apprendre de nouveau ce qu'on avait appris avant eux. Je reviens un petit peu sur cette question d'impréparation et cette volonté d'autonomie. Tout ceci était aidé par le fait que Wilson ne comprenait absolument rien à la guerre. Ce n'était pas un militaire. Il ne comprenait même pas comment fonctionnait le ministère de la Défense américaine. Il avait donné une mesure d'autonomie extrêmement large à Pershing. La constitution américaine est assez floue là-dessus. En effet, le président est le commandant en chef, mais c'est tout ce qu'on sait. Donc, un Franklin Roosevelt tenait bien en main ses généraux. Wilson, pas du tout. On peut dire aussi que Bush, pendant la guerre d'Irak, ne tenait pas en main ses généraux. Donc, c'est là, Wilson fait partie de ces présidents qui ont laissé une latitude énorme. Si c'était bien ou mauvais, je laisse au soin des auditeurs. L'intervention américaine a un effet d'accélérateur. Elle pousse les Allemands à lancer l'offensive Ludendorff en ramenant des fronts Est le maximum d'hommes avant qu'il ne soit trop tard. Elle pousse les Français et les Anglais à être de plus en plus actifs parce qu'ils se demandent si les Américains ne vont pas tirer trop les marrons du feu de la victoire. Plus de 2 millions d'hommes engagés, un peu plus de 100 000 morts. Un mort américain sur deux, à peu près, est resté dans les cimetières français. Et si je vous pose une dernière question sur la mémoire, je peux dire que celle-ci est très décentralisée avec les cimetières américains en France, avec les monuments ici ou là. 100 monuments dans la capitale, Washington. La mémoire de 17-18 aux États-Unis. Oui, c'est vrai. Vous avez raison. Il existe des monuments. Il existe un monument à la mémoire de la guerre, mais ça se trouve au milieu du pays, au Kansas. Les monuments ne sont pas nombreux. Tout de suite après la guerre, une sorte de réaction a eu lieu. Cette guerre a été pour très majoritairement dans l'opinion, se dessine un mouvement qui insiste que cette guerre a été une erreur de taille. Que les États-Unis avaient été bernés, soit par les Anglais, soit par les banquiers, soit par les fabricants d'armes, qu'ils avaient prêté énormément d'argent, que maintenant les Européens ont refusé de rembourser, que jamais il n'aurait fallu faire ça, et que cette mésaventure n'allait jamais se reproduire, qu'ils n'allaient jamais envoyer une armée, des divisions d'infanterie, se battre en Europe pour les Européens. Ils allaient dorénavant se fier à la bonne vieille marine comme dans le passé. On sait ce qu'il en a été de cette vision des choses. Merci à vous, Paul Jankowski. On comprend pourquoi votre livre sur Verdun paraît en français chez Gallimard dans la collection Les Journées qui ont fait la France avant de paraître aux États-Unis, ce qui va quand même advenir bientôt. Merci à vous de nous avoir rejoints. Demain, nous continuons notre parcours à travers le monde, comment la guerre peu à peu devient mondiale. Et on parle des fronts ouest de l'Empire ottoman. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal avec Michel Thomas, la préparation. Merci Frédéric Martin.